T'as ramené l'huile? Allez, on branche les enceintes du recyclo. Y'a plus de place dans les coffres, mais y'a de l'ambiance dans le soufre. On danse en slip à côté du feu, tant que la tour elle tire pas, c'est heureux. Soirée sans slip à la raffinerie, les flammes montent, les rires aussi. Riders kill, mais le son, on oublie la survie. Ce soir c'est chill ou tragédie. Il danse avec nous, les pièges sont tous décorés. Et le plan c'est rien prévoir, tout brûler. Fais-moi un cocktail Molotov, mais version Mojito. Soirée sans slip. Ce soir, on l'arrose.